voulais pas vous vexer. Je connais pas d'aveugle, je me demandais, c'est tout. Je suis comme toi, je suis aveugle, mais je bois, je mange. Je goûte les choses. J'écoute de la musique. Hein. Enfin, je sens de la musique. Je fais tout ce que je veux, je vais même au ciné. Au ciné? Et qu'est-ce que vous y voyez au ciné? Parfois, je sens le film. J'entends. Oh, puis merde, c'est trop con, tu me fatigues. C'est que bon, quand vous mangez, vous voulez pas ce que vous mangez. Les carottes, elles pourraient être bleues, par exemple. Et la musique, vous voyez pas les musiciens? Vous savez pas la forme que ça a, une guitare? Mais si, bordel, je sais la forme que ça a, une guitare. J'ai encore bien d'autres trucs que tu sentiras jamais. D'Afrique. Cameroun. Côte d'Ivoire.